Tous les endroits, les bars, les casernes, les lycées, les discothèques. Putain, je trash, me laisse aller, un de préparer. Je suis taré, mais au micro tech, on va pas lésiner. C'est notre tour de briller. Si t'es coincé, on va t'enlever le stress. Et jamais, je sais, c'est je sais. Pas de genre à fesser, incessant. Il faut que tu restes cool, cool. Écoute, je coupe court, mon flow cool et on dirait des coups de boule. On fait bouger la France pour les gars, pour les gosses de nos quartiers. Jusqu'à la France, pour Paris, la province et les dom-dom. Une spéciale pour nos cartos, les mom-cognes. Ce soir, lâche-toi, pas de gom-cognes. Que des gâchots et des hommes-cognes. On se clash, là, que nos corps se clash, là. En allumant la mèche, j'anime la marche. Que c'est hoche quand la pression monte dans le sang. Quand le beat est dansant, profitons ce soir de cet instant. Do what you like, zombies keep you satisfied. How you like, when you like, cause you want me on the night. What you like, zombies keep you satisfied. How you like, when you like, cause you want me on the night. Faut que tu te lâches, ça prend une pause, car faut que tu saches que ma rime impose. Une prose qu'on crache, façon usuelle, sauf tout trash. Cale ton visuel que ce soir, respect mutuel. Et ça, comme acte habituel, sans duel, mais faut que ça chauffe. Prends ton temps, mais faut pas que ça chante. Faut que tu te lâches en tabou, sans complexe, vas-y jusqu'au bout. Pas de barrière, ni barrage, pas de frontière, le monde est à nous. Mais c'est où tu veux, quand tu veux, donne ce que tu peux, ce que t'as de mieux. Fais ce que tu sais, comme tu le sens, c'est pressant, souvent indécent. Mais laisse pas la température descendre, lâche. Tant qu'on puisse enfin les surprendre, puis suspendre la pression dans nos actions. Apprécie chaque fois ton réaction, pas question, freiner ton élan. Répand la vibe, nos corps se mélangent, car l'enjeu l'un chez l'autre nous arrange. Et dangereux spécialiste, ça dérange. Zombies keep you satisfied. How you like, when you like, cause you want me on the night. What you like, zombies keep you satisfied. How you like, when you like, cause you want me on the night. Do what you want and I'll, don't get me wrong. Do whatever turns you on and I'll satisfy yourself. Do what you want and I'll, don't get me wrong. Do whatever turns you on and I'll only want to let you play. Je te laisse aller, pas le temps de parler, déhange-toi et puis ce soir va t'emballer. J'ai passé tant d'années, maintenant tu me connais, faut que je me lâche car avant tu connais. Lâche-toi, le béton en l'air, comme des Jamaïcains tous unis, comme des frères on est tous des Africains. On a le son qui fâche, pourtant on n'est pas Américains, ça mash up quand même. J'ai un message à déballer pour les gens décalés, nuit tard, fait tard. Tu peux même t'étaler comme Atis, rien à foutre, tu m'aimes ou pas. Tu es un mec au pire, j'aime ou pas. Ce soir pas de règles, on t'en dispense. Et hey, s'il y a des connards, prends des distances. Sur la piste, on a l'invidence, c'est les spécialistes. À l'évidence. Faut que tu flashes. Do what you like, zombies keep you satisfied. How you like, when you like, cause you want me on the night. What you like, zombies keep you satisfied. How you like, when you like, cause you want me on the night. What you like, zombies keep you satisfied. How you like, when you like, cause you want me on the night. What you like, zombies keep you satisfied. How you like, zombies keep you satisfied. How you like, when you like, cause you want me on the night. What you like, zombies keep you satisfied. How you like, when you like, cause you want me on the night.